La Bible David Martin 1855. Le Cantique de Salomon. Cantique chapitre 1. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes amours sont plus agréables que le vin. À cause de l'odeur de tes excellents parfums, ton nom est comme un parfum répandu, c'est pourquoi les filles t'ont aimé. Tire-moi, et nous courons après toi. Lorsque le roi m'aura introduite dans ses cabinets, nous nous égaillerons et nous nous réjouirons en toi. Nous célébrerons tes amours plus que le vin, les hommes droits t'ont aimé. Ô fille de Jérusalem, je suis brune, mais de bonne grâce, je suis comme les tentes de Kédar, et comme les courtines de Salomon. Ne prenez pas garde à moi, de ce que je suis brune, car le soleil m'a regardé, les enfants de ma mère se sont mis en colère contre moi, ils m'ont mis à garder les vignes, et je n'ai point gardé la vigne qui était à moi. Déclare-moi, toi qui aimes mon âme, où tu paies, et où tu fais reposer ton troupeau sur le midi, car pourquoi serais-je comme une femme errante vers les parcs de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle d'entre les femmes, sors après les traces du troupeau, et pète tes chevrettes près des cabanes des bergers. Ma grande amie, je te compare au plus beau couple de chevaux, que j'ai au chariot de Pharaon. Tes joues ont bonne grâce avec les atours, et ton cou avec les colliers. Nous te ferons des atours d'or, avec des boutons d'argent. Tandis que le roi a été assis à table, mon aspic a rendu son odeur. Mon bien-aimé est avec moi comme un sachet de myrrhe, il passera la nuit entre mes mamelles. Mon bien-aimé m'est comme une grappe de troène dans les vignes d'Anguedi. Te voilà belle, ma grande amie, te voilà belle, tes yeux sont comme ceux des colombes. Te voilà beau, mon bien-aimé, que tu es agréable, aussi notre couchette est verdoyante. Les poutres de nos maisons sont de cèdre, et nos soliveaux de sapin.